plus j'écris, juste un goût d'amertume qui me rend de plus en plus aigri et plus ça va moins j'aime. Sortir pour faire la fête, j'y préfère ma rime qui est sérieuse dans sa quête à la recherche de l'espoir. Perdu sur sa feuille blanche, elle dit j'espère, mais j'ai peur qu'à force d'espérer on flanche. Je cesse d'aller dans ce précipice, là où l'échec te précipite. Faut pas tomber dans cet abysse, faut que le moral se rétablisse. Hospitalisé, il est depuis un bail, sa paralysie à cause d'innombrables failles. Bah ouais, j'aurais pas dû laisser le mal prendre le dessus. Avec cette pute, j'ai perdu 2 ans à la voir en dessous. Qu'est-ce que tu fais, c'est la vie et ces erreurs qu'on commet. Nocifs sont certaines envies, mais y a pas de plan sur la comète. Allez, je te laisse t'émettre toutes ces pensées obscures. Ça s'obstrue dans ma tête, faut que de sourire, je passe une cure. Quand on nous fait sentir, les plumes sont de sortie. Quand le cerveau sature, les soucis, faut les sortir. J'ai la gueule dans les sorties, y'a de l'espoir, mais ça s'ennuie. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68. Quand on nous fait sentir, les plumes sont de sortie. Quand nos cerveaux saturent, les soucis faut les sortir. J'ai la gueule dans les sorties, y'a de l'espoir mais ça s'ennuie. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68. Faut qu'on relève la tête, bien que ce soit pas tous les jours roses. Au temps normal ça va, sauf quand ma mère a les jours roses. Y'a rien qui s'arrose, j'ai plus la tête à faire la fête. J'compare mon adresse à Bagdad, mais tu m'as dit de faire avec. Comme dit Schizo, c'est du FEMA, c'est ça l'homme pas frappé. J'suis à son image, tu comprends pourquoi j'suis mal fragué, tragué au désespoir. J'le fais dans ce local, j'aime pas rappeler quand ça va pas. J'le fais quand c'est le cas, c'est speed. Le temps c'est un ouragan, y'a rien qui va dans ce sens, même le climat n'a rien d'encourageant. Bref, j'prends presque goût à la tristesse. Il y a des âmes en peine, ne m'en veux pas si j'en dévisse. Texte, bah j'te présente la vie et ses inconvénients. On m'a dit baisse pas les bras, t'es mort si t'es qu'un confeignant. Serre-moi un son saignant, que sans motif passe à table. La vie c'est fort à la môme, mais c'est pas ça que ça va tard. Quand on nous fait sentir, les plumes sont de sortie. Quand le cerveau sature, les soucis faut les sortir. J'ai la gueule dans les sorties, y'a de l'espoir, mais ça s'ennuie. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68. Quand on nous fait sentir, les plumes sont de sortie. Quand nos cerveaux saturent, les soucis faut les sortir. J'ai la gueule dans les sorties, y'a de l'espoir, mais ça s'ennuie. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68. La rime m'a accueilli, chaleureuse, elle bouffe sa porte. Quand l'entourage te la ferme, le moral en déborde. Je rêve d'un débat pour ramasser les carats, d'un avenir carré où je place mes la mascarade. Vérité, triste à dire, on a soldé le prix de nos vies. Trop de morts car en connerie, on est loin d'être novice. Moi je veux pas signer un CD dans tôle. Je vois plus loin que le bout du flingue, annule le rendez-vous chatol. Les regards se froidissent, des visions devenues obscures. De la haine dans les rétines, ouais mon crâne appelle au secours. On marche plus droit, dans le droit chemin y'a des ornières. La jeunesse se défonce, les hargneux sur leurs arrières. Allez arrête, y'a pas de trésor au bout de la chasse. D'ailleurs dans ceux qui l'ont cherché, certains sont morts sur la chaise. Aucun secret de la réussite, chacun l'a fait à sa sauce. Quitte à devenir des cassos, nous on veut pas tirer le carrosse. Les plumes sont de sortie. Quand le cerveau sature, les soucis faut les sortir. J'ai la gueule dans les sorties, y'a de l'espoir mais ça s'ennuie. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68. Quand on nous fait sentir, les plumes sont de sortie. J'ai la gueule dans les sorties. Des goupilles, pas la grenade dans nos têtes, c'est mes 68.